La planète Vénus a-t-elle jamais possédé un océan liquide à sa surface? Si cette question vous semble lointaine, elle est pourtant cruciale pour comprendre l'apparition et le maintien de l'eau liquide sur les planètes telluriques comme la Terre. À cette interrogation, une étude parue dans la revue Nature en octobre 2021 répond par la négative et entre de fait en contradiction avec des scénarios qui affirmaient jusqu'alors que la cousine tellurique de la Terre avait maintenu un océan durant plusieurs milliards d'années. Ce travail de recherche apporte donc de l'eau au moulin d'une énigme de taille. Pourquoi, alors que la Terre et Vénus se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ces deux rocheuses ont connu une vie aquatique aussi opposée? Vénus sortie des eaux, c'est la question aquatique et tellurique qui est la nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette eau dans le système solaire et sur Vénus, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thérèse Encrenaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne émérite à l'Observatoire de Paris et directrice de recherche CNRS. Nous sommes également en ligne avec Martin Turbet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur postdoctoral à l'Observatoire astronomique de Genève et vous êtes le premier auteur de cette étude parue dans Nature qui revoit le scénario aquatique de Vénus. Mais avant de plonger dans l'eau du système solaire, il est l'heure de retrouver l'eau vive de l'actualité scientifique avec vous, Natacha Triou, pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature Physics qui annonce la découverte d'un nouveau type de supraconductivité et d'un nouvel état de la matière. La supraconductivité, c'est cette propriété qu'ont certains matériaux de conduire parfaitement le courant électrique à très basse température. La différence entre un métal, qui est un bon conducteur, et un supraconducteur, c'est la façon dont se comportent les électrons. Dans un métal, les ondes de chacun des électrons ne sont pas du tout synchronisées. Dans un supraconducteur, les électrons s'apparient, ils se mettent en paire de Cooper. Une paire de Cooper, c'est une corrélation quantique entre les électrons. Toutes les ondes de tous les électrons se synchronisent et c'est ça qu'on appelle la phase supraconductrice. Dans cette étude expérimentale et théorique, une équipe internationale a étudié du pnictur de fer, un composé supraconducteur, dont la température critique, c'est-à-dire la température au-dessous de laquelle ils sont supraconducteurs, est de 12 Kelvin. Les auteurs proposent que dans ce matériau, il existe un nouvel état de la matière, juste au-dessus de la température critique, qu'ils appellent un métal quartique. Brigitte Le Ridon est chercheuse CNRS à l'École supérieure de physique et chimie industrielle à Paris. L'idée, c'est que c'est basé sur le fait qu'ils observent expérimentalement une brisure de la symétrie par renversement du temps. Alors, sous ce nom un petit peu impressionnant, en fait, se cache quelque chose que nous, les physiciens, on connaît bien, notamment lorsqu'on a affaire à des phénomènes magnétiques. Tout ce qui est magnétique, en fait, brise la symétrie par renversement du temps. Là, l'originalité, c'est qu'ils l'observent à proximité d'une phase supraconductrice, donc juste au-dessus de la température à laquelle ils observent la supraconductivité. Et ils attribuent en fait l'existence de cette phase à ce qu'ils appellent des quadruplés fermioniques, c'est-à-dire au lieu d'avoir, comme dans un supraconducteur classique, des paires de Cooper, là ils supposent qu'ils ont en quelque sorte des paires de Cooper. En fait, ce qu'ils proposent, c'est que les preuves expérimentales qu'ils ont soient la signature en fait d'un état qui met en jeu non pas des paires d'électrons, comme dans les supraconducteurs que l'on connaît, mais 4 électrons d'un seul coup. En fait, nous, les physiciens, on a l'habitude de décrire les états auxquels peuvent accéder les électrons comme des bandes, en fait. Ce sont des ensembles d'énergie possibles pour les électrons. Et en réalité, souvent, la supraconductivité est associée à une seule de ces bandes. C'est un ensemble d'électrons qui occupent une bande d'énergie qui deviennent supraconducteurs. Mais dans certains cas, il peut y avoir plusieurs bandes qui deviennent supraconductrices. Et là, dans les matériaux dont nous parlons, il y aurait deux bandes différentes et en fait il y aurait un couplage entre des paires d'électrons d'une bande avec des paires d'électrons d'une autre bande. Alors, il faut quand même un petit peu relativiser les preuves expérimentales. Le papier est important parce qu'il propose une théorie originale de couplage de paires d'électrons d'une bande à l'autre, mais les preuves expérimentales qui sont en fait donc une augmentation de ce qu'on appelle la chaleur spécifique, une autre évidence qu'on appelle l'effet Nernst et puis une variation de la résistivité sont quand même un petit peu sujettes à d'autres interprétations. Donc il y aurait encore un gros travail expérimental à faire pour être certain que les effets qui sont observés sont vraiment liés au nouvel état qui est proposé par les auteurs. Et comme tous les jours, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodeFC. Vous pouvez réécouter ce journal des sciences et l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Hier, le laboratoire français Sanofi a passé un accord avec le géant chinois de la technologie Baidu. Baidu, l'entreprise qui a conçu un algorithme de séquençage d'ARN messager, vient d'accorder une licence à Sanofi pour l'utilisation de cet algorithme. En septembre dernier, Sanofi a abandonné son vaccin à ARN messager contre le Covid-19, mais le laboratoire français souhaite poursuivre ses recherches vaccinales en ARN messager contre d'autres maladies. Lorsqu'un traitement ou un candidat vaccin ARN messager passera en phase d'essai clinique, Sanofi versera des paiements d'étape à Baidu. Le montant de cet accord n'a pas été divulgué. En bref toujours, une étude parue hier dans la revue Current Biology perce le secret de la fabrication des toiles d'araignées. Comment, avec de si petits cerveaux, les arachnides peuvent-ils tricoter des toiles aux structures géométriques étonnamment complexes? Pour le comprendre, les biologistes de l'université Johns Hopkins ont filmé avec des caméras infrarouges 6 araignées au travail. Avec une intelligence artificielle, ils ont détecté chacune des actions et tous les mouvements de leurs 8 pattes. Ils ont découvert que chaque étape de fabrication est similaire pour chacune des araignées et que les règles de fabrication sont à chaque fois les mêmes. Ce qui suggère que ces règles doivent être codées dans leur cerveau. Prochaine étape pour ces chercheurs, comprendre quels sont les circuits neuronaux qui sont impliqués. Les araignées qui, comme chacun le sait, sont votre passion, Natacha Triou. Et enfin, le lancement historique du James Webb Space Telescope est reporté. Et après avoir été reporté maintes et maintes fois, ce lancement, comme tout le monde, on l'attend avec impatience dans toute l'équipe de la méthode scientifique. À Kourou, en Guyane française, le plus grand des télescopes spatiaux était en train d'être hissé et inséré dans la fusée Ariane quand un collier de serrage a cédé, ce qui a provoqué une vibration à travers l'instrument. Alors, les équipes de la NASA et de l'ESA font des tests pour vérifier si rien n'a été endommagé. Le lancement tant attendu est prévu non plus le 18, mais le 22 décembre prochain. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des sciences. L'eau est une molécule à 3 atomes, donc c'est une petite molécule. Bonne nouvelle, les molécules à 2-3 atomes sont plus abondantes que celles à 15 ou 20. Donc déjà, l'abondance est fondamentale. L'hydrogène est l'atome le plus abondant de l'univers, l'oxygène c'est le troisième. Mmh. Donc déjà, il y a un paramètre important qui fait que l'eau peut être très abondante dans l'univers. Et elle est très abondante dans le système solaire et ailleurs, essentiellement dans le milieu interstellaire, mais Aurélien en parlera mieux que moi, on la découvre sous forme gazeuse dans beaucoup d'endroits. Et dans le système solaire, il y a ce qu'on appelle la ligne des glaces, c'est-à-dire que au-delà de Mars et au-delà de la ceinture des astéroïdes, la température naturelle fait que l'eau devient solide. Donc tous les petits corps sont principalement faits de glace d'eau, et plus vous éloignez, plus la glace d'eau abonde. Saturne, il y a plus de glace d'eau que Jupiter. La question de savoir si Jupiter a un énorme noyau de glace, on le saura avec Juno, c'est une autre question, mais c'est fondamental sur la formation de Jupiter. Et donc l'eau est extrêmement abondante. Elle est absolument partout, même dans le Soleil. Voilà, l'eau est partout, même dans le Soleil. On entendait la voix de l'astrophysicien Francis Rocard au micro de l'ami Nicolas Martin au sein de du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. C'était dans la méthode scientifique en 2017. Thérèse Encrenaz, pourquoi est-ce que l'eau liquide est une question qui à la fois interroge beaucoup et fascine en même temps quand on parle du système solaire? Eh bien, c'est parce que l'eau liquide, en fait, on sait qu'elle est indispensable à l'apparition de la vie. Et si on trouve, comme Francis l'a dit, de l'eau partout dans l'univers, il n'y a guère que sur la Terre qu'on la trouve sous forme liquide. Ailleurs, on la trouve sous forme de glace ou sous forme de gaz. Mmh. Et ce qui est passionnant, effectivement, ce qui est important, c'est de déterminer où est-ce qu'on pourrait trouver de l'eau liquide. Et c'est l'objet, d'ailleurs, je pense, de ce dont on va parler aujourd'hui bien sûr. Martin. C'est pas un hasard si on a commencé en rappelant que l'eau est présente partout. Thérèse Encrenaz, pourquoi est-ce que, du point de vue de l'histoire du système solaire, c'est finalement pas si surprenant que ça de trouver cette molécule H2O un petit peu dans tout, y compris dans le Soleil? Oui, et ben c'est comme Francis l'a dit, l'eau c'est donc deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. L'oxygène c'est l'élément le plus abondant après l'hydrogène et l'hélium. Donc c'est pas très surprenant qu'il y ait énormément de cette molécule. Donc ça explique effectivement pourquoi on la trouve à peu près partout. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette molécule, elle a joué un rôle important dans la formation des planètes, pour séparer, en fin de compte, les planètes telluriques des planètes géantes. Mmh. Parce que, bon, on sait que les planètes se sont formées au sein d'un disque, et au sein de ce disque, les planètes se sont formées par accrétion de particules solides. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est solide à une distance donnée? Si vous êtes près du Soleil, ben les éléments solides, ça va être les réfractaires, c'est-à-dire les silicates, les métaux. Avec ces éléments-là, qui sont peu nombreux, peu abondants, eh ben vous allez faire des planètes relativement denses, mais pas très grosses. Les planètes telluriques. Exactement. Celles qui appartiennent à la famille de la Terre, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Voilà. Maintenant, si vous allez plus loin, à des températures plus basses, à ce moment-là, comme le disait Francis Rocard, l'eau et toutes les petites molécules vont condenser, et elles vont condenser dans des noyaux qui peuvent atteindre jusqu'à 10 fois la masse terrestre. Et à partir de là, les modèles montrent que le champ de gravité de ces noyaux est suffisant pour attirer le gaz environnant, c'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium. Et c'est comme ça que vous formez les planètes géantes. Mmh. Des planètes géantes gazeuses. Ou glacées, mais dans les deux cas, le mécanisme est le même. Vous accrétez plus ou moins d'hydrogène et d'hélium selon les deux catégories. Et là, on parle bien sûr de Jupiter, Saturne, voilà, Uranus et Neptune. Où la question de la distance au Soleil aussi compte énormément, puisque cette eau se maintient à l'état de glace, puisque justement il ne fait pas assez chaud. Exactement, c'est la distance au Soleil qui donne la température en quelque sorte. Et en dessous d'une température de environ 200 K, c'est-à-dire moins 70 degrés Celsius, à ce moment-là, l'eau va être sous forme solide et va donc participer à ces gros noyaux. Martin Turbet, une autre question qui va nous occuper pendant toute cette heure, c'est aussi les conditions, au pluriel, où l'eau peut se maintenir, se former et se maintenir sur une planète. Pourquoi est-ce que cette question-là de ces conditions de formation et de maintien de l'eau à l'état liquide sur une planète sont aussi complexes à régler? Elles sont complexes parce qu'elles dépendent de beaucoup de facteurs. Certains qu'on a déjà identifiés, par exemple l'insolation, éventuellement la masse et la taille d'une planète. Puis d'autres qui sont plus complexes, comme par exemple la composition et qui peuvent dépendre de processus sous-jacents, l'échappement de l'atmosphère, l'interaction avec l'intérieur, les cycles géophysiques, géochimiques, etc. Mmh. En matière de composition, Thérèse Encrenaz, entre la Terre, Vénus, Mars, est-ce que ce sont des planètes vraiment voisines, jumelles, cousines, et quelle influence ça a sur ce rapport à l'eau, entre guillemets? Alors effectivement, les quatre planètes telluriques, bon, on écarte tout de suite Mercure parce qu'elle est trop petite et trop près du Soleil, pour pouvoir garder une atmosphère stable. Donc on parle des trois autres, Vénus, la Terre et Mars. Et là, tout porte à croire qu'au départ, elles avaient une composition atmosphérique semblable, c'est-à-dire essentiellement du gaz carbonique avec un petit peu d'azote moléculaire. En fait, c'est la Terre qui fait la différence, à cause de l'apparition de la vie, bien entendu, et aussi à cause du fait, mais on y reviendra, je pense, que l'eau liquide a permis au gaz carbonique d'être piégé dans les océans. Et de provoquer ce fameux cycle géochimique dont on parlera évidemment. Martin Turbet, on a parlé des planètes, on peut parler aussi des lunes. C'est aussi un objet d'intérêt en matière d'études de l'eau dans notre système solaire. Est-ce que, à nouveau, toutes les lunes du système solaire, que ce soit des lunes de planètes telluriques ou de planètes gazeuses, sont marquées par la présence ou une présence absence, enfin une présence du passé de l'eau? Ouais, effectivement, à ma connaissance, la grande majorité des lunes du système solaire et même certaines planètes LEM comme Pluton et des objets transneptuniens sont vraisemblablement, en tout cas on a des observations qui laissent penser que c'est le cas, dotées d'océans de liquide, mais cette fois-ci en sous-surface à grande profondeur. Alors on parlait à l'instant de la parenté entre Terre, Mars et Vénus. Cette parenté nous amène à poser la grande question des raisons pour lesquelles, alors qu'elles avaient une composition semblable, ces trois planètes n'ont pas toutes eu ou su maintenir à l'image de la Terre un océan liquide. Et c'est ce dont on va parler bien sûr dans un instant, en se concentrant tout d'abord sur Vénus. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On en arrive à présent à cette fameuse étude parue dans Nature le 14 octobre 2021, Martin Turbet, une étude que vous avez pilotée et qui revoit le scénario de la présence d'océans sur Vénus. Alors avant d'en arriver aux conclusions de vos travaux, il est peut-être nécessaire de nous dire en quoi consistait le ou les scénarios qui étaient en présence et qui étaient retenus jusqu'alors pour la formation et la disparition de l'eau sur cette planète Vénus. Oui, alors effectivement, l'existence d'océans dans le passé de Vénus, c'est un débat théorique qui existe maintenant depuis près de 50 ans. Mais la grosse avancée, on va dire, de ces dernières années, c'est la démonstration par plusieurs équipes, notamment américaines, par Michael Way du NASA GIS, que en fait, Vénus ait pu avoir des océans de liquide par son passé, ces océans ont pu être stables. L'expérience qu'ils ont réalisée, c'est une expérience de pensée. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un modèle d'atmosphère, similaire à ceux qu'on peut utiliser, par exemple, pour décrire l'atmosphère de la Terre, et ils ont mis, en fait, ce modèle dans des conditions, finalement, qui auraient pu être le cas dans Vénus, donc c'est-à-dire une atmosphère similaire à la Terre, des océans comme sur Terre, mais à l'insolation de Vénus, dans le passé. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans ces simulations, les nuages, en fait, de l'atmosphère se tendent, en fait, à s'accumuler plutôt du côté jour de la planète, ce qui tend à refroidir le climat de ce Vénus primitif hypothétique. Et ce qui montre qu'en fait, si Vénus, on sait pas comment, mais si Vénus, à part le passé, a été capable de former des océans de liquide à sa surface, alors ces océans ont pu être stables, une grande fraction de la vie de Vénus, du fait de l'effet des nuages qui tendent à stabiliser le climat de Vénus. Mmh. Thérèse Encrenas, ces scénarios-là, ils reposent sur donc la présence d'une atmosphère autour de Vénus. Expliquez-nous un petit peu quel regard vous portez là et en quoi finalement ces scénarios-là tiennent la route. L'idée de cette émission n'est pas du tout de faire le tri et de dire que cette étude va remettre tout le monde d'accord. Non, c'est intéressant de raconter comment se fait la recherche. Je pense que les modèles climatiques globaux sont particulièrement importants dans le cas d'une planète comme Vénus, parce que à la différence de Mars et de la Terre, on ne sait absolument rien des conditions initiales de Vénus. Pour la raison simple que la surface de Vénus est remodelée par volcanisme tous les quelques centaines de millions d'années. Donc, contrairement à la Terre, où il y a quand même les continents, et à Mars, où on peut vraiment, alors là, accéder au début de l'histoire de la planète, on n'a aucune information sur l'histoire de Vénus. Donc, Vénus, c'est particulièrement important d'avoir des modèles qui permettent d'essayer de remonter à ces conditions originelles. Mais on va y venir justement à cette question des modèles. Martin Turbet, quel était le point de départ du coup de votre étude? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, bon ok, on a des modèles qui tiennent la route, comme celui de Michael Way que vous évoquez, qui postule que Vénus a pu abriter un océan liquide à sa surface pendant plusieurs milliards d'années. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, on va peut-être essayer de comprendre les choses autrement et on va essayer de trouver des moyens de comprendre ces choses autrement? La question scientifique qu'on s'est posée, c'est d'essayer de savoir comment arriver, ou est-ce qu'il est possible plutôt d'arriver à un état où Vénus a pu avoir des océans de liquide en surface. L'idée derrière cette étude, c'est que on sait, en tout cas dans la théorie générale, dans la manière dont les planètes évoluent au cours de leur évolution, que les planètes se forment chaudes, très chaudes, du fait de la manière dont elles se forment, et ensuite se refroidissent progressivement au cours du temps, et au cours de ce refroidissement, les planètes passent par ce qu'on appelle un état d'océan de magma, dans lequel il y a tout un tas de gaz atmosphériques, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en particulier de la vapeur d'eau. Et on pense qu'une étape importante pour former des océans sur une planète tellurique, c'est que cette vapeur d'eau, initialement présente en grande quantité dans l'atmosphère, soit capable de condenser à la surface pour former des premiers océans. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des modèles numériques de climat, les mêmes, en tout cas pas exactement le même, mais de la même nature, on va dire, que ceux qui avaient été utilisés par Michael Way et ses collègues, justement, pour essayer de comprendre, finalement, les conditions nécessaires pour que cette eau sur Vénus, ou même sur d'autres planètes, puisse passer de l'état vapeur à l'état solide pour former les premiers océans d'eau liquide sur une planète. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça. Alors justement, c'est pas si évident que ça parce que vous évoquiez tout à l'heure ces premiers modèles, ces premiers scénarios qui sont des modèles généralement à une dimension. Vous avez pris plusieurs dimensions pour étudier cette question de l'eau liquide à la surface de Vénus. Et vous avez regardé du côté des nuages de Vénus. Alors quel rôle ont joué ces nuages à la surface de Vénus, dans l'atmosphère de Vénus, ou plutôt n'ont pas joué en matière d'eau liquide pour Vénus? Effectivement, la découverte à partir de ces simulations, ça a été que les nuages, en particulier les nuages d'eau, jouent un rôle critique pour pouvoir répondre à cette question. Dans les travaux de Michael Weck qu'on a mentionné juste avant, dans lequel on faisait l'hypothèse implicite que des océans avaient pu se former à la surface de Vénus primitive, ce que montraient ces simulations numériques de climat, c'était que les nuages, comme je l'expliquais tout à l'heure, tendent à s'accumuler préférentiellement du côté jour d'une planète, dans la basse atmosphère. Et ces nuages, en quelque sorte, ils avaient tendance à être dans la meilleure configuration possible pour refroidir et donc stabiliser le climat de Vénus dans un état tempéré. Ce qu'ont montré ces nouvelles simulations, dans lesquelles cette fois-ci la vapeur d'eau est un constituant majoritaire de l'atmosphère, c'est que les nuages, en fait, ont plutôt tendance à s'accumuler du côté nuit et à haute altitude dans l'atmosphère. Et ça, c'est en quelque sorte la configuration la plus optimale pour pouvoir maintenir une planète dans un état chaud, parce que pas de nuages côté jour, pardon, ce qui veut dire que les nuages ne vont pas réfléchir efficacement le flux incident. Et puis, à l'inverse, ces nuages sont côté nuit dans la haute altitude, dans la haute atmosphère, et donc vont générer un fort effet de serre, l'attendre en fait à stabiliser le climat de Vénus primitive dans un état chaud, et donc l'empêcher de former par condensation ses premiers océans. C'est-à-dire que ces nuages ne sont pas du tout à l'image de ces cumulostratus, cumulonimbus, qui peuvent éclater en orage et éclater en pluie, comme on le voit à la surface terrestre. Effectivement, ça ressemblerait plutôt à des nuages de haute altitude. Donc, ces nuages sont vraiment situés dans la stratosphère de cette planète Vénus primitive hypothétique. Alors, pour arriver à cette conclusion, en l'absence d'observation directe, l'étude de Nature que vous avez pilotée, Martin Turbet a utilisé un modèle climatique. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Antoine. Vous êtes allé au laboratoire de météorologie dynamique de Sorbonne Université pour comprendre comment une telle hypothèse a pu être générée par ce modèle. Et oui, et son nom est LMDZ, et c'est un modèle qui n'est pas nouveau en soi, car il a déjà été utilisé en climatologie sur Terre et qui se décline pour d'autres modèle planétaire. Techniquement, c'est un très gros programme en open source qui a été construit au fil des ans et qu'on adapte en fonction de ce qu'on souhaite analyser. Et l'étude en question a fixé un certain nombre de paramètres et injecté des variables spécifiques pour simuler le paléoclimat de Vénus. Alors, quoi de spécial dans ce modèle? Ewan Milour, ingénieur de recherche au CNRS, a travaillé sur ce modèle qui possède un avantage considérable. Il est capable de reproduire une portion d'atmosphère dans les trois dimensions de l'espace, alors qu'avant, on ne prenait en compte que des colonnes de fluide, donc en deux dimensions. Une avancée qui permet de mieux simuler la dynamique des fluides, la dynamique des fluides, et donc le paléoclimat vénusien. Dans ces modèles, on fait des études de cas. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, et donc on va être obligé de se poser la question: que se passerait-il s'il y avait beaucoup d'eau sur cette planète, s'il y en avait peu, s'il y en avait moyennement? Comme on ne sait pas trop, on est obligé de faire toutes les simulations possibles pour balayer un peu l'éventail des cas, pour voir qu'est-ce qui peut se passer dans certaines conditions ou autres. C'est un peu comme une scène de théâtre, finalement. Il y a une partie des choses qui sont la distance, la rotation de la planète, la distance à l'étoile, qui, elles, sont vraiment extérieures au climat, mais qui vont impliquer des choses sur le climat. Et ensuite, nos modèles, par contre, ils contiennent de la physique. Donc les équations physiques des changements de phase, pour est-ce qu'il va y avoir des nuages, suivant la température, la pression, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que ça va faire des océans, s'il fait trop chaud, ils vont s'évaporer, la chimie qui va avoir lieu. Donc tout cela, effectivement, et c'est ça qui est important, il faut qu'on l'anticipe. C'est-à-dire qu'un modèle dans lequel vous ne mettez pas de chimie, il ne va pas spontanément dire « il y a de la chimie, il se passe des choses ». C'est la même chose que la prédiction météo, quand vous regardez la météo pour demain. On est parti d'un état initial et puis on a calculé de proche en proche qu'est-ce qui se passe une minute après, puis deux minutes après, puis trois minutes après. D'accord, mais dans le cadre de l'étude passée pour faire de la paléoplanétologie concernant l'atmosphère, comment on fait? Quelles sont les données de départ? Ah ben justement, c'est là où on se retrouve plus dans le flou. Quelle est la topographie? Quelle est la quantité de tel ou tel gaz dans l'atmosphère? Et là, effectivement, on est obligé de faire des hypothèses et on est obligé de balayer, comme je disais tout à l'heure, tous les paramètres, pour ensuite avoir une vue d'ensemble, qu'est-ce qui est le plus plausible qui puisse arriver indépendamment des concentrations de tel ou tel gaz, ou au contraire, quel est le phénomène important qui va tout gérer. Considérant l'état actuel de Vénus, on arrive à inférer les conditions qu'il a pu y avoir il y a quelques milliards d'années? Oui, c'est ça. Après, c'est comme une enquête, en fait. On arrive après coup, puisqu'évidemment, on ne remonte pas dans le temps, et on voit où on en est. Et de ce qu'on connaît des formations des planètes, on en connaît quand même un certain nombre. Alors évidemment, plus on remonte dans le temps, plus il y a des incertitudes sur comment les choses étaient à l'époque. Et justement, c'est là où les modèles sont utiles, c'est qu'on peut vraiment à nouveau balayer tous les paramètres pour voir ce qui le plus plausiblement est arrivé. Alors parlons un peu de ce modèle qui a pu, enfin qui était au cœur de cette étude. Il s'appelle LMDZ. Oui. Qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux autres modèles préexistants ? Ce qu'il faut bien voir sur ces modèles, c'est que ce sont des grosses machines. Il faut avoir développé tous les modules, est-ce qu'il y a de la chimie, est-ce qu'il y a comment on fait des nuages, comment il pleut, et ainsi de suite. Et donc il y a un énorme travail collaboratif qui se fait. Et donc là, par exemple, dans l'équipe, on a des modèles de Vénus, de Mars, de Titan, ou le modèle, là, en l'occurrence, le modèle générique, qui lui est un modèle qui est applicable, juste comme son nom l'indique, de façon un peu plus générique à différents types d'atmosphères. Donc avec le modèle générique, on peut vraiment jouer avec le cocktail de gaz dans l'atmosphère, combien il y en a, comment ça se passe. Gros machin, et c'est un outil que beaucoup de gens utilisent, et souvent, pour répondre à une question précise, ils ont besoin de développer certains aspects du modèle. Une des spécificités que j'avais cru comprendre de ce modèle-là, c'est qu'il appréhendait la réalité dans trois dimensions, là où d'autres modèles étaient étudiés que l'axe vertical, ou en tout cas les colonnes d'air dans l'atmosphère. Oui, c'est ça. Alors en fait, il y a toute une hiérarchie de modèles. Et comme souvent, on commence au plus simple et on va au plus compliqué. Et là, effectivement, on est obligé de rentrer dans des modèles de plus en plus complexes. Alors après, il y a des dynamiques aussi. Dynamiques, c'est ça. Et effectivement, qui sont tridimensionnels. Là, on est obligé, oui. Sur l'outil lui-même, il y a un certain nombre de phénomènes clés qu'on doit vraiment modéliser, représenter numériquement, donc les équations physiques qui les engendrent. Et puis après, c'est tout, finalement. Après, c'est vraiment des questions de conditions et limites, à nouveau, à quelle distance de l'étoile, quel type d'étoile, parce qu'évidemment, ça va influer sur l'énergie qu'on va recevoir. Et puis, quel cocktail de gaz dans l'atmosphère, par exemple, de l'eau peut faire des nuages, dans certaines conditions, oui, elle peut se recondenser dans l'atmosphère et faire des nuages qui eux-mêmes auront un effet, donc des crantages, des effets de serre, etc. Et on peut pas facilement, avec un papier, un crayon, prédire que, en fait, ça va emmener le système plus ou moins dans telle direction. Et c'est là où on a besoin d'un modèle, donc de représenter suffisamment finement toute cette physique. Dans un gros code, c'est des centaines de milliers de lignes de code, ces gros codes, c'est pas par hasard qu'on est à plusieurs dessus, et qu'on les fait tourner sur des supercalculateurs. Combien de temps ça prend en pratique, une fois qu'on injecte des nouvelles conditions ? Alors ça, ouais, c'est intéressant, parce que effectivement, comme c'est une marche dans le temps, il faut attendre que le système atteigne son équilibre, et ça, c'est une fois. Typiquement, oui, c'est des jours et des jours de calcul sur les grands centres de calcul. Et comment on sait qu'une fois, c'est fini ? Typiquement, on analyse les résultats au sens statistique. Que si on veut modéliser, imaginons, la Terre, eh bien, il va falloir faire au moins sur quelques années pour se vérifier bien qu'on a un cycle annuel qui finit par être, au sens statistique, stabilisé. Donc concrètement, ce qu'on interprète, ce qu'on obtient en bout de chaîne, c'est des données chiffrées ? Oui, c'est des nombres. On récupère que des nombres. À nouveau, il y a un côté très statistique. Un modèle de climat, pour vous donner une idée, on peut représenter la planète entière avec simplement 60 pixels par 60 pour une carte, ce qui est vraiment pas terrible. Mais à nouveau, c'est le climat qui nous intéresse, donc des effets moyens et globaux, et là, ça peut suffire. Donc pas la peine d'aller chercher plus loin. Voilà pour ce reportage au LMD consacré à ce modèle colossal qui a permis d'aboutir à ce résultat de l'absence d'océan à la surface de Vénus. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Thérèse Encrenaz ? Je pense qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, ces outils sont extraordinairement puissants et apportent vraiment une nouvelle lumière sur toutes ces affaires. Est-ce que c'est le point final ? Je ne sais pas, parce que comme il a été dit, ces modèles font appel aussi à une quantité de paramètres qui sont peut-être pas tous complètement maîtrisés ou compris. Donc, mais c'est une avancée extrêmement importante, ça, il n'y a pas de doute. Martin Turbet, sur ce reportage, ce travail que vous connaissez bien puisque vous l'avez piloté, une réaction ? Bon, j'ai de la chance de faire partie de cette équipe. C'est une aventure scientifique qui est vraiment, vraiment superbe. Comme le disait Warren Milour, qu'on appelle le grand gourou du modèle. On utilise ce modèle pour des atmosphères si différentes, celles de la Terre, de Vénus, des exoplanètes. C'est vraiment non, juste une belle aventure. Ouais. Martin Turbet, Thérèse Encrenaz à l'instant parlait de paramètres qui n'étaient pas encore complètement maîtrisés. Quels sont ces paramètres-là justement qui manquent un petit peu de clarté pour confirmer avec une certitude à 100% que Vénus n'a jamais abrité d'océan liquide à sa surface? Je peux en lister quelques-uns. Par exemple, on a dû faire des hypothèses sur la composition de l'atmosphère. Donc, on n'a pas encore bien compris quelle pouvait être exactement la composition de l'atmosphère de Vénus. notamment à l'époque où elle a pu éventuellement condenser ses océans, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, de l'hydrogène, et si oui, dans quelle quantité, et comment ça a pu affecter ou pas la condensation de l'eau. On a aussi fait des hypothèses simples sur la chimie, et donc peut-être que la photochimie en particulier pourrait avoir des conséquences sur cette composition de l'atmosphère, sur l'existence de brumes en haute altitude qui pourraient éventuellement affecter l'évolution du climat, et ça fait partie des pistes d'exploration future pour tester la robustesse de ces simulations. Parce que là, on parle de Vénus dans ses tout premiers âges. Thérèse Encrenas, tout à l'heure, je parlais de la Terre et de Vénus comme des jumelles. Si la Terre est un paradis, Vénus, aujourd'hui, c'est un véritable enfer. Expliquez-nous un petit peu en quoi consistent les conditions actuelles sur Vénus et dans son atmosphère. Oui, en effet, elles sont effectivement jumelles puisqu'elles ont des tailles très voisines, des masses et des densités très voisines. Mais elles ont des conditions de surface extrêmement différentes puisque la surface, donc c'est, comme on le disait tout à l'heure, là, c'est le gaz carbonique, le gaz principal, le gaz de l'atmosphère. Mais la pression à la surface de Vénus, c'est 100 fois, presque 100 fois, la pression sur la Terre. Et la température, c'est 730 K, ce qui nous fait, Kelvin, ce qui vous fait 460 degrés Celsius, autant dire que c'est un enfer. Et pour couronner le tout, vous avez des nuages d'acide sulfurique, extrêmement épais, puisque ces nuages cachent la surface dans le domaine visible. On ne voit pas la surface de Vénus quand on regarde Vénus au télescope. C'est ce qui donne cet aspect laiteux à Vénus quand on voit les observations qui en ont été réalisées et qu'on va vous partager à l'instant sur le fil Twitter de l'émission. Martin Turbet, quelles implications vous voyez à cette étude pour soit éventuellement d'autres travaux, soit une compréhension de l'actuelle Vénus ? C'est une bonne question, notamment vis-à-vis de cette atmosphère épaisse en CO2. Certains ont pu spéculer que je l'expliquais tout à l'heure dans le scénario, dans l'un des scénarios qui était proposé, Vénus ait pu avoir des océans à sa surface. Et donc, à un moment donné, bien évidemment, Vénus, si ce scénario est correct, a dû perdre ses océans. Probablement a subi ce qu'on appelle un emballement de l'effet de serre de la vapeur d'eau, et peut-être qu'à cet instant, le CO2 aurait pu s'accumuler dans l'atmosphère, et donc on a du mal encore à savoir si ce CO2 présent, gaz dominant, 90 bars quasiment dans l'atmosphère de Vénus, est le résultat finalement de cet emballement de l'effet de serre que l'on pourrait connecter à un ancien océan sur Vénus, ou bien à une perte, on va dire très primitive, de l'eau dans l'atmosphère, notamment à l'accumulation progressive de ce CO2 au cours des âges de l'évolution de Vénus. Restez avec nous parce que justement cette étude elle nous permet de mieux comprendre les premiers âges de Vénus, mais elle nous permet également de faire des projections notamment sur la Terre, ce sera juste après ça. See ya, Venus. C'est novembre, alors pourquoi pas écouter un peu de l'eau avec Venus dans la méthode scientifique sur France Culture alors que le soleil décline à 16h36. Nous parlons tout au long de cette heure de la façon dont l'eau se forme et se maintient ou pas dans le système solaire et plus particulièrement sur les planètes telluriques, notamment Vénus et la Terre. Nous en parlons avec Thérèse Encrenaz, astrophysicienne émérite à l'Observatoire de Paris, directrice de recherche CNRS. Nous sommes également en ligne avec Martin Turbet, chercheur postdoctoral à l'Observatoire astronomique de Genève. Alors on parlait juste avant ce morceau de musique de cette étude que vous avez pilotée, Martin Turbet, une étude qui a des implications pour comprendre l'absence d'océan à la surface de Vénus, mais cette étude elle vous a permis aussi de faire des projections sur la Terre. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez pu extrapoler ces résultats à notre planète et à son fonctionnement aquatique. Alors effectivement, toutes les expériences numériques climatiques qu'on a réalisées sur Vénus, on s'est bien évidemment posé la question en même temps de savoir ce que ça voulait dire d'un point de vue de la Terre et du climat terrestre. Donc on a reproduit le même genre d'expérience, on a simulé une Terre primitive, moins ensoleillée qu'elle ne l'est aujourd'hui, du fait que la luminosité du soleil était plus faible par le passé. On a mis l'ensemble du contenu en eau, du réservoir d'eau dans l'atmosphère de cette Terre très primitive, et puis on a regardé qu'est-ce que ça nécessitait pour condenser ces océans en surface et former des océans d'eau liquide qui, on le sait bien évidemment, sont présents aujourd'hui à la surface de la Terre. Et donc ce qu'on s'est rendu compte en faisant ces calculs, c'est que l'insolation nécessaire en fait pour faire condenser des océans à la surface de la Terre, eh bien elle est supérieure à l'insolation actuellement reçue sur Terre. Et donc ça a deux conséquences à mon sens qui sont très importantes. La première, c'est que si on faisait une expérience de pensée un peu folle, d'évaporer soudainement tous les océans dans l'atmosphère de la Terre, donc vraiment avec la totalité du réservoir d'eau dans l'atmosphère, ce que ces simulations numériques de climat disent, c'est que cet état-là serait stable. C'est-à-dire que... On appellerait ça une terre sauna, dans laquelle des océans seraient vraiment sous forme de vapeur, et pas une goutte d'eau liquide en surface. Donc ça, ce serait potentiellement un état de stabilité de la Terre. Et puis la conséquence plus directe pour l'évolution, on va dire, du passé de la Terre, c'est que finalement, ce qu'on dit, c'est que ce qui a pu en fait permettre à la Terre de former des océans à sa surface, c'est le fait qu'à un moment donné, au cours de son évolution, notamment au début de son évolution, l'insolation que la Terre recevait était inférieure à celle qu'elle reçoit aujourd'hui, ce qui a pu lui permettre de faire condenser ses océans. Et ça, c'est grâce au fait que la luminosité du Soleil était plus faible par le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est important, je pense, parce que jusque-là, ce qu'on appelle le paradoxe du soleil jeune, le fait que le soleil était moins lumineux par le passé, ça avait surtout été vu comme un frein pour l'existence d'océans d'eau liquide à la surface de la Terre, plus que, et c'est ce qu'on montre ici, une opportunité en fait. Thérèse Encrenaz, sur cette projection réalisée grâce à cette étude de Martin Turbet et de son équipe, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous percevez justement cette résolution, on va dire, d'une certaine forme de paradoxe du soleil jeune? Oui, je pense que c'est effectivement un élément très nouveau parce que moi-même, très naïvement, je pensais je ne m'étais pas posé la question de pourquoi on n'avait pas d'océan sur la Terre. Je pensais que c'était une conséquence naturelle de la température, de l'évolution de l'ensoleillement. Et j'imaginais pas qu'on aurait pu avoir, si on avait gardé le soleil comme il est aujourd'hui, qu'on aurait pu être dans un état de vapeur d'eau complète. Ça, pour moi, c'est un élément nouveau, effectivement, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. On peut s'estimer donc chanceux d'être là, on est toujours de façon chanceux d'être là. Martin Turbet, cette question-là, elle se pose, puisque je parle du fait d'être chanceux d'être là, ça ramène un petit peu à la question des conditions d'apparition de la vie sur Terre et de cette nécessité primordiale d'une eau liquide. Cet état un petit peu de maintien d'océan liquide sur la Terre, est-ce que c'est un état constant depuis le moment où les premiers océans se sont formés, ou bien est-ce qu'on a des preuves que sur Terre, les océans ont varié, se sont évaporés, se sont reformés, se sont congelés? Expliquez-nous un petit peu ce qu'on sait de cette évolution-là. Ouais, alors on a de la chance sur Terre comme on habite cette planète, de pouvoir faire des relevés géologiques et minéralogiques. Et ce que nous disent l'ensemble de ces relevés, c'est que la Terre vraisemblablement a possédé des océans d'eau liquide de manière quasi continue, à quelques exceptions près qu'on appelle des épisodes boules de neige pendant laquelle la Terre était vraisemblablement complètement glacée. Mais la plupart du temps, la Terre avait des océans d'eau liquide dégelés en surface. Et donc, c'est d'ailleurs assez bluffant de savoir que la Terre a été stabilisée pendant une période de temps aussi longue avec des océans d'eau liquide. Mmh. Thérèse Encrenas, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui fait que la Terre, par miracle, entre guillemets, maintient ses océans liquides à sa surface et du cycle géochimique qu'il y a derrière tout ça? Il faut peut-être rappeler un petit peu ce cycle des carbonates silicates, comment ça se passe, pourquoi est-ce que ce cycle-là est finalement une espèce de cercle vertueux, oui, a priori, pour le maintien d'océans liquides? Effectivement, c'est le gaz carbonique contenu dans l'atmosphère de la Terre, une fois les océans formés, a pu se trouver piégé via un cycle qui inclut les silicates, effectivement, sous forme de carbonate de calcium, de calcaire, au fond des océans. Et ce facteur, ce phénomène, a joué un rôle très important pour limiter l'effet de serre. Mmh. Parce que du coup, la quantité de gaz carbonique a baissé. Et c'est ce qui fait essentiellement que la Terre a échappé au scénario d'emballement de l'effet de serre qu'on connaît sur Vénus, en fait. Mmh. Martin Turbet, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que, alors que la Terre est plus éloignée du Soleil que Vénus, elle n'ait pas été durablement congelée ou qu'en tout cas, voilà, ces océans liquides se soient formés alors qu'a priori, l'insolation, comme vous le disiez, était un peu moindre par rapport à Vénus? Alors déjà, on a des preuves quand même que la Terre a vécu au cours de son histoire des épisodes de Terre boule de neige. Mmh. Donc des épisodes pendant lesquels la Terre avait, en tout cas en surface, des océans complètement gelés ou quasi complètement gelés. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce cycle des carbonates silicates qu'on vient de mentionner, en fait, il a un effet stabilisateur qui permet, en fait, naturellement à la Terre de, si à un moment donné, au cours de son histoire, rentre dans un état de Terre boule de neige, et d'en sortir naturellement. L'idée, c'est que ce cycle des carbonates silicates, qui est un thermostat vraiment régulateur du climat de la Terre, dès que vous avez en fait une terre qui est chaude, peu importe la raison, et naturellement en fait les pluies etc vont dissoudre le CO2 de l'atmosphère et ensuite vont se débarrasser du CO2 de l'atmosphère et donc réduire la température. Et à l'inverse, si vous rentrez dans un épisode par exemple Terre boule de neige, vous allez couper ce processus. Par contre, vous allez dégazer du CO2 des volcans, donc vous allez accumuler du CO2 dans l'atmosphère et vous allez réchauffer la planète. Et donc on pense avec beaucoup de certitude maintenant que ce cycle des carbonates silicates a été la clé pour stabiliser le climat de la Terre sur le long terme, maintenir des océans d'eau liquide et donc l'empêcher de rester piégé de manière permanente, en particulier dans un état de Terre boule de neige. Thérèse Encrenas. Oui, alors justement, je pense qu'il y a un facteur important, c'est le rôle du volcanisme est important. Parce que la Terre, elle a une énergie interne importante du fait qu'elle est relativement massive. Elle a des éléments radioactifs qui dégagent une certaine énergie. Et c'est cette énergie qui est à l'origine donc du volcanisme et de la tectonique des plaques aussi d'ailleurs. Et c'est ce volcanisme, on pense, enfin je crois, qui a permis à la Terre de sortir de ces épisodes boule de neige complète. Parce qu'effectivement, si on était dans une phase boule de neige complète, on ne voit pas comment on pourrait dégazer, sinon par volcanisme, du CO2 et on ne voit pas comment on pourrait relancer le processus. Donc on a besoin d'une énergie interne en fait. Et on ne voit pas non plus comment pourrait apparaître la vie, puisque ce qui intéresse tout le monde dans le fait de chercher de l'eau liquide ailleurs dans notre système solaire mais dans l'univers, c'est que l'eau liquide est la condition sine qua non pour l'apparition d'une vie organique telle que nous on la connaît. Oui. Je me suis posé une question en préparant cette émission, c'est que je me suis dit, la vie ne peut pas apparaître sans eau, mais que doit le cycle de l'eau aux espèces vivantes? J'ai l'impression que cette longue histoire de l'évolution du vivant a permis aussi, d'une certaine façon, d'entretenir ce cycle du vivant, ce cycle de l'eau, pardon, notamment parce que les espèces vivantes sont des pièges à carbone. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que l'apparition de la vie a modifié la composition atmosphérique terrestre. Ça, c'est absolument sûr, complètement, puisque c'est en particulier avec l'apparition de l'oxygène. Mmh. Est-ce que d'une certaine façon, l'apparition de la vie a permis le maintien d'un équilibre aquatique sur Terre, ou bien est-ce que c'est un petit peu alors, trop j'irai pas jusque là parce que je pense qu'une fois les océans formés, si les conditions physico-chimiques de son maintien sont là, je pense que les océans se seraient maintenus même sans la vie, a priori. Par contre, la composition atmosphérique aurait été complètement différente. Martin Turbaine, une réponse éventuellement à cette question de grand enfant un peu flou que je suis. Il y a une étape quand même dans le cycle des carbonates silicates, qui est le piégeage des carbonates, qui, en tout cas sur Terre actuelle, est joué en grande partie par des organismes vivants. Oui, et donc, on a du mal à... Alors, je pense que si... Donc, il y a d'autres processus qui peuvent piéger des carbonates qui n'impliquent pas le vivant, mais ça impacterait l'efficacité peut-être à laquelle on piégerait ces carbonates, donc la quantité de CO2 dans l'atmosphère à l'équilibre, et donc ça aurait vraisemblablement des effets importants sur la stabilité d'océans sur le long terme. On a parlé jusqu'à présent pas mal de Vénus, bien sûr, de la Terre. On va parler d'une troisième planète tellurique, Mars, Thérèse Anconas, qui elle aussi est tout aussi passionnante quand on se pose la question de l'eau. Pourquoi Mars intrigue autant en matière d'eau et qu'est-ce qui fait sa spécificité concernant cette eau liquide en surface? Alors Mars, par rapport aux deux autres planètes telluriques, elle a deux caractéristiques en fait. D'une part, elle est plus loin du Soleil, donc elle est plus froide, mais aussi elle est beaucoup plus petite. Elle a une masse qui fait le dixième de la masse de la Terre. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que sa réserve d'énergie interne, dont je parlais à l'instant, elle est très faible comparée à celle de la Terre et de Vénus. C'est-à-dire que cette force gravitationnelle, voilà, on va dire, de Mars, n'a pas permis de... C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a une atmosphère extrêmement réduite, parce qu'alors parlons de son atmosphère. Oui. Si celle de Vénus fait 100 fois la pression atmosphérique terrestre en surface, Mars, c'est le contraire, c'est moins du centième. Donc on est vraiment dans une atmosphère extrêmement ténue. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que sa composition atmosphérique est exactement comme celle de Vénus, à base de CO2 et de N2. C'est-à-dire 95% de gaz carbonique et 5% d'azote moléculaire. Donc il y a c'est assez frappant de voir que ces deux planètes ont exactement la même composition. Et c'est ce qui nous fait penser d'ailleurs que sans doute la Terre était dans le même... Dans le même lot. Dans le même cas, au départ. Martin Turbet, puisqu'on parle de Mars, est-ce que vous voyez des paradoxes propres à cette planète quand on évoque cette question épineuse de la présence d'eau liquide sur ces planètes telluriques? Il y a plusieurs paradoxes, notamment un sur lequel j'ai passé une grosse partie de mon travail de doctorat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on regarde la surface de Mars, les terrains les plus anciens de Mars, on voit des traces... d'eau liquide, donc sous forme d'anciens lacs et de réseaux de rivières. Et donc on pense qu'il y a 3,5, 3,8 milliards d'années, l'atmosphère de Mars était suffisamment épaisse pour maintenir un cycle hydrologique actif qui a permis l'existence d'étendues d'eau liquide. La grosse énigme qu'on a derrière ça, c'est qu'on n'a pas encore bien compris quelle atmosphère devait avoir Mars à cette époque, parce que, donc encore une fois, on utilise ces mêmes modèles qu'on utilise pour simuler la Terre ou Vénus primitif. On les applique à Mars. Et ce qu'on se rend compte quand on fait ce travail un peu de théorie, c'est qu'on n'arrive pas bien à comprendre quelle atmosphère a pu donner suffisamment d'effet de serre à l'atmosphère de Mars pour maintenir une température de surface qui soit compatible avec l'existence de liquide. Donc le scénario le plus récent sur le sujet, c'est peut-être que Mars ait pu avoir de l'hydrogène dans son atmosphère, mais c'est encore très très spéculatif. Donc ça fait une grosse énigme. Puis la deuxième question, c'est de savoir comment Mars a évolué de cette planète qui aurait pu ressembler à la Terre il y a 3,5, 3,8 milliards d'années, avec des lacs, des rivières et peut-être même des océans, ça c'est plus spéculatif, à une planète beaucoup plus sèche, beaucoup plus froide, et donc pas du tout propice à l'existence d'étendues d'eau liquide. Thérèse Anconas, on en revient un petit peu là aux limites des modèles, c'est que selon ces modèles, Mars ne peut pas abriter d'eau liquide sur sa surface puisqu'elle est trop éloignée du Soleil, et pourtant on a des traces physiques de lacs, d'écoulements. Alors, expliquez-nous un petit peu comment travaille la recherche pour contrecarrer ces paradoxes. Oui, comme dit Martin, effectivement, là, on est face à une énigme. On n'arrive pas à comprendre comment l'eau a pu couler. Et pourtant, elle a coulé, puisqu'on en voit les traces. Alors, l'avantage sur Mars, c'est qu'on peut faire de l'observation. Et on s'y emploie avec les robots diverses et variées, Curiosity, Mars, Persévérance et compagnie. Elle est cernée de missions. Mars est vraiment sous les feux de la rampe. Cela dit, il y a vraiment des grosses questions pour comprendre l'origine du climat martien. Ça, c'est une question qui n'est pas résolue là. On a parlé beaucoup pendant cette émission des eaux de surface, des océans. Oui. Il y a aussi quelque chose qui intrigue beaucoup, Thérèse Encrenas, c'est les océans souterrains. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi on va aussi chercher l'eau souterraine, notamment sur les lunes, là beaucoup plus lointaines des géantes gazeuses. Alors, comme Encelade, Titan, etc. Un tout petit ajout concernant Mars, c'est qu'il faut préciser qu'il y a beaucoup d'eau sous la surface de Mars. Mmh. On l'a pas dit, mais c'est important. Elle est piégée sous forme de glace ou de pergélisol, c'est-à-dire un mélange de glace et de silicate. Il y en a une quantité importante sous la surface. Mmh. Ça, c'est une autre preuve, disons, qu'il y a eu un réservoir d'eau vraiment très important sur Mars. Alors, ça permet de faire la transition, voilà, justement, vers ces eaux souterraines, ces eaux enfouies, voilà, qu'on trouve aussi sur ces lunes comme Titan, Encelade, même Pluton. Oui, beaucoup de satellites extérieurs des planètes géantes, en fait, on pense que leurs conditions de pression et de température sous leur surface sont telles qu'elles permettent à l'eau d'être liquide. Mmh. Simplement, ça pose un petit problème, cette eau souterraine, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, je crois, de l'eau enfouie, même liquide, pour l'apparition de la vie. Là, j'avoue que je ne me lancerai pas sur ce chapitre, mais c'est vrai que on ne sait toujours pas comment la vie est apparue sur la Terre. Mmh. Si on pense aux fonds marins, aux sources hydrothermales... Ouais. Les conditions sont extrêmes, ouais. Oui. Martin Turbet, une réaction à ces études, à ces approches d'eau souterraine ailleurs que sur les planètes et sur ces lunes notamment, comme je le disais, Titan, Encelade, Europe, ou bien même la lointaine Pluton qui n'est plus une planète. Non, mais ça, ce que je peux dire, c'est que c'est un formidable laboratoire pour pouvoir justement tester ces idées. Le seul problème, c'est que c'est compliqué d'accéder. C'est plus facile de regarder dans l'atmosphère ou à la surface d'une planète que d'aller sonder son intérieur à des dizaines de kilomètres de profondeur. Et donc ça, c'est plutôt, on va dire, des raisons techniques d'observation qui font que c'est compliqué de répondre à cette question dans le cadre des lunes glacées du système solaire. Il y a quelques pistes en utilisant notamment ces plumes qui sont éjectées par certaines de ces lunes, mais c'est compliqué. Il y a une autre question aussi qui se pose, peut-être qu'on ne se posera pas aujourd'hui, c'est celle de l'apport extérieur en eau, notamment avec les météorites, oui. Thérèse Encrenas. Alors ça, on va pas rentrer dans cette question du rapport deutérium, hydrogène, c'est peut-être un peu complexe. En revanche, on peut peut-être se diriger doucement vers la fin de cette émission en revenant à votre étude, Martin Turbet, et peut-être à quelle confirmation vous vous attendez, notamment par exemple du James Webb Space Telescope pour votre étude là. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on s'attend à ce que ce comportement, on va dire, un petit peu particulier des nuages, puisse se retrouver aussi, en fait, dans l'atmosphère d'exoplanètes qui sont riches en eau. Et on a un certain nombre de candidats exoplanètes dont on pense, en tout cas, on sait, ils sont dans la liste d'observation du James Webb, sur lequel on pourra tester ces idées. Donc, on pourra regarder leur atmosphère, on pourra sonder leur atmosphère, leur contenu en eau, éventuellement. On pourra sonder l'existence de nuages ou pas sur certaines de ces atmosphères. Et donc, on va avoir pour la première fois, en dehors du système solaire, un terrain de jeu avec les exoplanètes pour pouvoir tester les processus, certains des processus en tout cas, qui sont importants pour l'évolution des planètes telluriques du système solaire. Quel système, quel candidat vous allez observer en particulier ? Alors, à ma connaissance, le système planétaire le plus prometteur pour pouvoir tester ces idées, c'est le système TRAPPIST-1 pour lequel des observations sont prévues pour chacune des sept planètes du système. Et donc, on va avoir des observations qui vont nous permettre de sonder la lumière à la fois émise pour les planètes les plus internes, mais aussi la lumière qui est transmise par l'atmosphère de ces planètes. Et donc, on espère, grâce au James Webb, pouvoir inférer l'existence de molécules comme l'eau, le CO2, peut-être le méthane, etc., dans l'atmosphère de chacune de ces sept planètes du système TRAPPIST-1. Et donc, finalement, avec ces sept planètes, ces sept observations, on va pouvoir replacer ce que l'on sait de la Terre, de Mars et de Vénus et de leur évolution dans un contexte beaucoup plus large, avec un nombre beaucoup plus important de planètes, certes avec un degré de précision des observations qui va être bien moindre, mais qui va nous permettre de, on l'espère, une fois qu'on aura observé ces planètes-là, mieux comprendre la Terre, Vénus et leurs évolutions respectives. Et votre étude, qu'est-ce qu'elle peut changer dans notre rapport à ce fameux concept de la zone habitable? Alors, une des conséquences, on va dire directes, c'est que la même difficulté qui s'est posée pour la Terre et Vénus pour condenser leurs océans, leurs premiers océans en premier lieu, va se poser aussi pour des exoplanètes comme Proxima B, comme les planètes du système Trappiste 1. Plus généralement, les exoplanètes telluriques en orbite tempérée autour de leur étoile, et donc ça va significativement réduire, on va dire, l'espace des phases pendant lequel, pour lequel n'est pas impossible qu'une planète puisse maintenir des océans d'eau liquide à sa surface. Donc on va regarder les exoplanètes, mais aussi on va retourner vers Vénus, puisque si j'ai bien compris, il y a trois missions qui sont à venir, Veritas, Da Vinci Plus de la NASA et Envision de l'ESA. Là aussi, ça va nous permettre de nous rapprocher de ces mystères de Vénus et de ces mystères de l'eau à la surface de Vénus. En tout cas, je vous remercie chaleureusement tous les deux, Thérèse Encrenaz, Martin Turbet, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Mariam Ibrahim, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Loïc Dutois, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Audrey Guélil. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.